connaissance, c'est le précieux. Tout le monde le veut jusqu'à c'est lui qui nous a. Je suis si bien quand il est là. Avec lui, on nous sourit, à nous, chacha, on nous aime, nous, le paria. Il me le faut, donne-le nous, et après l'autre s'en ira. Je te promets, on ne veut que ça. Il y a ce qui maigrit, de plus en plus de monde chez les aigris. De plus en plus de l'ardo pour mes écrits. Plus d'argent, plus de problèmes, comme disait Biggie. Difficile trouver du taf quand tu te lèves à midi. Attitude, flemme, traînard, même sur mes mesures. Prépare-moi un gnasse de sang, taille sur mesure. Mon seul vie, c'est le bingo. Pour les plages de Cannes avec une bimbo style Gillo. Yeah. Tout est beau, oui, beau comme un billet volé. Le précieux me donne chaud, il me le faut, même si je dois le voler. Il nous en faut, même des fois on est shooté. C'est comme une drogue, on n'aurait jamais dû goûter. Tout est beau, oui, beau comme un billet violet. Le précieux me donne chaud, il me le faut, même si je dois le voler. Il nous en faut, même des fois on est shooté. C'est comme une drogue, on n'aurait jamais dû goûter. Encore plus speed qu'avec la merde au bout du cul. Hardcore, tu tiens le beat, tu restes debout, tu sues. On lui t'a couru jusqu'à tâcher tes beaux tissus. Rapsous flingué, pas tous gaze, négro fichu. L'ont voulu jusqu'à en rêver, l'ont rêvé jusqu'à en crever. Une légende disait que la rue devait les sevrer. Du moins jusqu'au gros plan. Pour ma part, les témoins parleraient d'un loup noir à crocs blancs. Troublant le bif, n'est-ce pas, fils? Que les prolos qui veulent le gros lot tapent 666. Les politiques et chefs d'État veulent qu'on suive les valeurs de nos remparts. Petit malin, tu crois qu'on comprend pas? Des gros toits transportent des nègres, mais pas comme jadis, esclaves du bif, pur à la fin de la passe à 10. Euro ou dollar, il nous en faut comme de l'air. Négro, négro, la dèche, on intolère. Tout est beau, oui, beau comme un billet volé. Le précieux me donne chaud, il me le faut, même si je dois le voler. Il nous en faut, même des fois on est shooté. C'est comme une drogue, on n'aurait jamais dû goûter. Tout est beau, oui, beau comme un billet violet. Le précieux me donne chaud, il me le faut, même si je dois le voler. Il nous en faut, même des fois on est shooté. C'est comme une drogue, on n'aurait jamais dû goûter. Des rues de BKO aux rues de Saint-Cyr. C'est KO à cause de Sarko, les finances ont dû maigrir. On tend sa chance sur un coup de tête. Maintenant c'est le tout pour le tout avec du culot et beaucoup de toupettes. Tout peut me venir en aide. On veut de l'argent par tous les moyens, quitte à faire des trucs bizarres à nos doyens. Mes potes me suivent, j'ai le plan promo tatoué sur le corps. On s'en fout si une voiture doit partir dans le décor. La vie est dure, donc la mort doit être cool. Y'a une diff entre la mettre dans un boule ou la prendre dans son boule. Tout le monde court, on arrive, on a posé qu'un pied sur la rive. La racaille sort un disque. C'est devenu pénible. Biz slash oseille slash cash money slash kishta slash wari wari slash pentas slash lardo slash liquide slash finance en foie de négro. Tout est beau, oui, beau comme un billet volé. Le précieux me donne chaud, il me le faut, même si je dois le voler. Il nous en faut, même des fois on est shooté. C'est comme une drogue, on n'aurait jamais dû goûter. Tout est beau, oui, beau comme un billet violé. Le précieux me donne chaud, il me le faut, même si je dois le voler. Il nous en faut, même des fois on est shooté. C'est comme une drogue, on n'aurait jamais dû goûter. Oh,